Qu'il est revoir, mais tu viens de qui vous m'en croyez? Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.